sur les ondes de Cifu 89 FM. Vous écoutez le Baseball Les Ailes de Trois-Rivières. De retour au stade Stéréo Plus, la huitième manche devait commencer dans les prochaines secondes, mais les officiels viennent de rentrer dans leur chambre, donc on demande aux équipes de rester à l'abri et on va appliquer la toile sur le terrain malgré les dommages qu'on peut déjà constater. Donc nous, bien, on va aller en musique, Mathieu va vous animer tout ça. Et on va revenir tout à l'heure pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec le match. En principe, le match est officiel, mais l'égalité persiste de 4 à 4, donc on ne peut pas déterminer un gagnant. Donc, on vous propose quelques musiques. Ensuite, on vous revient avec les plus récentes nouvelles. 4 à 4 en 8e. Vous écoutez le Baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. We'll be right back. C'était la pièce Tour du Monde par Aqua Serge. Oui, encore une pièce de circonstance avec le délai de pluie qu'on vit en ce moment. Vous étiez le baseball des aigles. Ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au quartier généraux de C'est fou, la pluie a arrêté. Donc j'imagine que ça va être la même chose au stade. Alors on continue pour l'instant avec la pièce La Rivière de Propofol sur C'est fou 89. Et la pièce de La Rivière, ça ressemble à ça au Stade Stéréo Plus en ce moment. C'est pour ça que je suis avec vous, Mathieu Plante, au quartier généraux de C'est fou, comme dirait Simon Liberté. On va y retourner plus tard pour avoir une mise à jour de la part de l'équipe des Aigles et de la part des arbitres qui décident, qui prennent la décision. Ici, à l'UQTR, ça commence à être assez ensoleillé. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir reprendre bientôt. Mais bon, j'en sais rien, je ne connais pas ça. Moi, si ça avait été juste de moi, on aurait annulé la partie quand on était en train de gagner tantôt. Hein? Pour l'instant, on est à égalité. Donc, on va pouvoir terminer le match d'ici les prochaines minutes, probablement, mais avant ça, comme je reste dans la thématique de la pluie, avec ce délai qu'on vit en ce moment, voici La Femme est sur la planche 2013, comme du surf. Vous êtes assez fous, 89 FM. We'll be right back. la femme, oui, avec elle sur la planche 2013 sur CFOU 89 FM. Vous êtes en plein milieu d'un match du baseball, les Aigles. On est en délai de pluie en ce moment. Tantôt, je disais que ça commençait à remonter un petit peu le soleil, mais c'est quand même un petit peu gris derrière moi au quartier généraux, mais au stade Stéréo Plus, j'en sais rien parce qu'on est quand même assez loin. Ça a l'air proche, là, vu de même, mais la pluie commence ici, puis ça prend vraiment du temps à se rendre là-bas. Donc, on va voir si ça revient éventuellement. On attend une mise à jour de la part de Simon Laliberté et Nicolas Ducharme là-bas au stade Stéréo Plus, mais pour l'instant, on peut continuer. Étant donné que là, je fais jouer des pièces qui ont rapport avec l'eau ou la pluie, parce que ça m'amuse, puis parce que c'est de la musique que j'aime beaucoup, on va faire le contraire maintenant. On va parler de ce qu'ils mettent sur le monticule depuis tantôt, du sable, avec la formation Sahara. Voici Délice sur CFOU 89 FM. Sarah et la pièce Délice sur CFOU 89 FM, toujours en plein milieu de délai de pluie. pour le baseball des Aigles. On est 4-4 en fin de septième manche. On espère pouvoir recommencer. Je vois les gens sur le terrain en ce moment qui sont, je crois, en train d'enlever la toile. Je crois pas qu'ils sont en train de la mettre, là, parce que ce serait un petit peu tard pour ça. Donc, d'après moi, on devrait pouvoir revenir tout à l'heure avec Simon Laliberté. Une mise à jour en direct du stade Stéréo Plus. Mais avant ça, on écoute une pièce de circonstance encore. Voici Laura Babin et Water Buffalo. Au 89 FM, c'est fou. Laura Babin et Water Buffalo au 89 FM, c'est fou. Simon Liberté vient de me dire qu'il se passe pas grand-chose sur le terrain. Je le vois en direct sur canamnik.tv aussi. Le terrain semble vide en ce moment. Tantôt, les joueurs étaient en train d'enlever la toile. Pour l'instant, on attend encore des nouvelles. On va prendre un petit peu de temps là-dessus, on dirait bien. Donc, on a le temps d'écouter Volvets. Voici la mort sur C'est fou. C'est quelque chose de mouillé, Volvets, mais je vais pas faire le jeu de mots en ondes. Horowitz et la mort. Toujours au baseball, les aigles qui sont en délai de pluie, en fait, en cet après-midi à 15h56. On est 4-4 en fin de septième manche. Je suis en communication avec Simon Laliberté, l'animateur des matchs des aigles, qui me dit que la toile est semi-mise, finalement. Et là, je vois, en temps réel, je vois des gens revenir sur le terrain, des gens qui marchent. On dirait des joueurs des aigles, des gens de l'équipe, quelque chose comme ça. Je sais que les aigles sont souvent utilisés pour enlever et mettre la toile. On me dit donc que ça va être assez long si on peut jouer. C'est ce que je regarde en ce moment. Si vous voulez aller voir sur canamig.tv, je vois ça en direct. Il y a un petit véhicule qui roule sur le terrain en ce moment. Donc, on a le temps pour une autre pièce. Voici ce que les aigles aimeraient bien faire. Si le match était annulé ce soir, ils pourraient fuir leurs problèmes. Donc, voici Horloge Simard et fuir ses problèmes. Au 89 FM, c'est fou. D'Horloge Simard sur C'est fou 89 FM. Toujours dans le baseball, les aigles, oui, c'est en ce moment un match entre les Sussex County Miners et les aigles de Trois-Rivières. Le match est en délai de pluie. On a vu tantôt en direct sur canamig.tv les joueurs enlever la toile sur leur gros tuyau. Là. C'est comme un rouleau à pâte, cette histoire-là. On enlève la toile. Là, présentement, le terrain est vide. Il n'y a personne, sauf l'animateur de foule qui fait une petite présence une fois de temps en temps. Hein. Donc, on attend encore des nouvelles de ce côté-là. Ça veut dire qu'on a encore le temps pour de la musique choisie un petit peu au hasard, comme ça, dans notre beau système de musique. On écoute Les Revenants. Voici Chercher quelque chose sur C'est fou. On reste en québécois. Hein? Ouais. Barbouillez-moi couleur, baissez-moi les joues si je ondes de CIFU 89FM, vous écoutez le Baseball Les Aigles de Trois-Rivières. Nous revoici au stade Stéréo Plus, alors qu'on vient d'annoncer que le match ne se poursuivra pas aujourd'hui. On est en début de huitième manche avec une marque de 4-4. La pluie ne tombe plus, mais le terrain est dans un état lamentable, donc on va poursuivre le match une autre fois. Quelle mauvaise gestion de la part des officiels aujourd'hui que de ne pas avoir demandé la toile plus tôt. On aurait pu être une demi-heure avec la toile sur le terrain et présentement, on s'est en train de jouer du baseball. Mais non, on s'est entêté parce qu'on se disait on va jouer la manche, une manche de plus. Les Aigles vont rester en avance, on va pouvoir arrêter ça là. Ben non, c'est pas ce qui s'est passé. On a créé l'égalité et là, on est toujours à 4-4. Mais le match va devoir se poursuivre un autre jour. Une gestion pitoyable. Je vais être dur, mais pitoyable de la situation. Donc, dans ce match, bien, Rush a été bon pour commencer la partie, a fait du bon travail. Les Aigles, bien, ont marqué 4 points avec 8 coups sûrs. Les Miners, 4 points sur 7 coups sûrs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, le match va se poursuivre lors de la prochaine visite des Miners, qui, elle, est prévue le 14 juillet prochain. Donc, le 14 juillet, c'est un vendredi. On va commencer un peu plus tôt. Donc, en principe, on va commencer soit à 17h ou 18h. C'est à déterminer. On va jouer les deux manches qu'il reste. En fait, on va jouer la fin du match. Égalité de 4-4 en huitième. Et par la suite, pause de 30 minutes. Et on jouera le match prévu de 9 manches. Donc, ça va être une grosse soirée de baseball le 14 juillet lors de la prochaine visite des Miners. Donc, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec moi cet après-midi. Ça m'a fait plaisir. Espérons que c'est toi qui auras l'occasion de terminer le match que tu as commencé. On verra bien. Donc, on vous rappelle que les Aigles vont être à Québec cette semaine, de mardi jusqu'à jeudi. On va vous présenter les trois matchs de cette série. Les matchs sont à 19h05, donc 18h55 sur nos ondes pour l'émission d'avant-match. Je tiens également à remercier le partenaire des matchs du dimanche après-midi à notre antenne, Fépri Sportive Access Sport, qui est situé au 676 Champlour, endroit où vous y trouverez tout ce que dont vous avez besoin. Donc, il n'y a pas de résultat aujourd'hui. Les Aigles qui conservent leur fiche de 13 victoires et 22 défaites. Notre prochain rendez-vous, comme que je le mentionnais, ça va être mardi en direct du stade Canac. On ne connaît toujours pas l'identité du lanceur des Aigles. Donc, en terminant, merci beaucoup à Mathieu Plante qui, lui, était à la réalisation et mise en onde de ce reportage. Merci à Nicolas Duchamp qui, lui, était à l'analyse. Mon nom est Simon Laliberté. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur nos ondes. Et on se dit à mardi pour un autre match des Aigles à CIFU 89.1 FM. C'était le Baseball des Aigles de Trois-Rivières, avec Simon Laliberté à la description du match et Nicolas Ducharme à l'analyse. Pour connaître l'horaire de diffusion des prochains matchs sur nos ondes, visitez cifou.ca. Pourquoi les oreilles sont pas sèches? 97 au milieu de la 40. Campus de poste adolescent s'empare d'un local. Les branches des micros, une trip qui flotte sur la terre. Les deux pieds coulés dans Trois-Rivières. Des animateurs toujours beaux et des admirateurs fous de radio.